il y a un lien très fort entre l'apparence et le cœur. Le lien entre l'apparence et l'intérieur, il ne le renie qu'un ignorant. C'est pour ça que Sahaba radiallahu anhum, il donnait beaucoup d'importance à l'apparence aussi. Par exemple, ils évitaient de s'habiller comme al-kuffar, même de manger les mêmes plats que eux, comme c'est rapporté de Omar, de parler leur langue. Donc ça, c'est les règles de base. Car l'être humain, quand il parle la langue d'un peuple, en général, il va hériter avec les comportements et les manières de ce peuple, et les habitudes et les coutumes de ce peuple. Et ça, c'est quelque chose de constaté. Quand tu apprends la langue d'un peuple, tu apprends leur culture avec. C'est pour ça, Sahaba, ils ne l'autorisaient pas, comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, également manger les mêmes plats que eux. Ils l'interdisaient à ses soldats quand ils les envoyaient dans les pays de Kufr pour des incursions, des opérations militaires. Il leur disait de ne pas manger la même chose que eux, car l'être humain s'influence facilement avec yani, ces choses-là. Il s'imprègne de ces choses-là, car ces plats, c'est pas seulement un simple plat que tu manges, c'est aussi une culture qui l'accompagne. Ça, cet effet, il peut diminuer avec l'effet de la mondialisation, où partout tu trouves les mêmes plats. Ça, il faut le comprendre dans son contexte, à leur époque, où chaque peuple avait ses propres habitudes culinaires et ses propres plats. C'est dans ce contexte-là, wallahu alam. Lakin, ça reste toujours meilleur pour le croyant d'avoir les habitudes des muslimines et de s'éloigner des habitudes de l'kuffar, même si ces habitudes sont propagées. Ça reste toujours meilleur pour lui.